déjà. À tous ceux qui, en plus de se demander « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?», se demandent ce qu'il y a dans leur assiette et d'où ça vient et si ça respecte l'environnement. Et à tous ceux qui en ont marre de passer plus de temps à lire les emballages qu'à déguster ce qu'il y a dedans. Désormais, l'application Intermarché vous permet de répondre facilement à toutes vos questions en sélectionnant les produits selon vos préférences, que ce soit en termes de nutrition, d'origine ou d'impact environnemental. Alors une dernière petite question, qu'attendez-vous pour la télécharger ? Intermarché, tous unis contre la vie chère. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, deuxième volet de notre série politique, les perdants magnifiques. Aujourd'hui, Jacques Chaban-Delmas. Chaban, pour beaucoup ce nom évoque quelque chose comme un souvenir lointain et un peu flou, enfoui quelque part dans les manuels d'histoire, mais sans pour autant sentir la naphtaline. Pour les Bordelais, la mémoire est plus vive, tant l'homme a marqué la capitale girondine de son empreinte. Mais que sait-on vraiment de Jacques Chaban-Delmas, de son parcours, de son action, de son héritage ? C'est la terrible leçon de l'histoire, elle ne retient que les vainqueurs. Or, Chaban est passé juste à côté de la plus haute fonction de l'État. Esprit libre, ouvert, jusqu'à en donner de l'urticaire au président Pompidou, son patron. Il était aussi un apôtre de l'œcuménisme politique, inclinaison qui finira par lui coûter la présidentielle de 1974. Il est certain également que la publication de sa feuille d'impôt par le Canard enchaîné alors qu'il était Premier ministre en janvier 72 et la polémique qui a suivi ont joué un rôle important, tout comme la trahison de Jacques Chirac, qui en 1974 s'est rallié non pas au candidat gaulliste Chaban, mais à Giscard, qu'il trahira 7 ans plus tard. Le destin de Chaban-Delmas, une rediffusion de l'émission du 16 août 2016 qui entre aujourd'hui donc dans le cadre de notre série politique sur les perdants. Lors de la première diffusion, et vous l'entendrez après le récit, notre invité était Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération, le partenaire d'Affaires Sensibles à l'époque. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Simon Maisonob, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay et Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Le jour le plus attendu, qui est celui de la libération de Paris, marqué pour moi par ce fait prodigieux, bouleversant, la rencontre avec le général de Gaulle. Inopinément, il est 5 heures de l'après-midi, on est gare Montparnasse avec Leclerc, et tout d'un coup, le général de Gaulle. Et moi je vois arriver la France sous les traits du général de Gaulle. Après que j'ai tremblé un instant, car il découvrait qu'il avait confié des tâches primordial à un jeune homme qui paraissait un gamin, le général de Gaulle me tend la main et me dit, en me fixant très très ardemment, c'est bien, Chaban. Chaban. C'est d'abord le nom d'un grand résistant qui s'est glissé pour toujours au cœur de l'identité de Jacques Delmas. Issu d'une famille modeste, sa vie bascule en 1940. Sous-lieutenant au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate, il ne supporte pas la défaite et rejoint la résistance. Il se retrouvera général à 30 ans à peine, certes dans un contexte particulier. Mais il restera l'une des figures majeures de la France qui est restée debout. À la Libération, il décide d'entrer en politique. Problème, de Gaulle refuse de participer à la 4e République, trop parlementaire, à son goût, lui qui l'appelait avec tant de mépris la République des partis. Le jeune Chaban doit donc se trouver un camp. Ce sera le Parti radical qui répond à sa sensibilité de centre-gauche, comme le lui conseille le général d'ailleurs. C'est là que l'impétrant trouvera les derniers vestiges du sens de l'État, selon l'auguste parole gaullienne. De fait, il y rencontre les figures tutélaires, Édouard Herriot, Pierre Mendès France, entre autres. Et il part à la conquête d'une circonscription. Son choix se porte sur la Gironde et la ville de Bordeaux. Plutôt beau gosse, ce qui n'est pas forcément la règle dans la sphère politique, sportif, champion de tennis et pas maladroit avec un ballon ovale, doué d'un bon sens politique, le héros de la résistance a tout pour séduire. Il reçoit rapidement le soutien de l'aristocratie protestante du négoce viticole. Il s'inscrit également dans le club de rugby de Bègle et se rapproche d'un électorat plus populaire. En 1946, il est élu député. Il le sera sans interruption jusqu'en 1997. Dans la foulée, il remporte les municipales à Bordeaux, mairie qu'il ne quittera qu'en 1995. Pendant 50 ans, il sera le baron d'une ville et d'une région. L'ascension de Chabant résiste à tout, même à cet incroyable numéro d'équilibriste. Pendant les années 50, il est l'un des hommes forts de la 4e République, tout en étant général de Gaulois. Ministre à plusieurs reprises dans différents gouvernements, il garde un œil attentif sur la traversée du désert de son grand homme, en chantant ses louanges à qui veut bien l'entendre. Alors, personne n'est surpris quand en 1958, au moment du retour du général et du changement de régime constitutionnel, Jacques Chaban-Delmas est élu premier président de l'Assemblée nationale de la 5e République. Le casting est parfait. Le maire de Bordeaux incarne ce pont entre une approche parlementaire de la vie politique et le primat présidentiel du nouveau régime. Le président l'envoie à plusieurs reprises en mission à l'étranger. Il rencontre Nikita Khrouchtchev à Moscou, John Kennedy à Washington. Il se taille une stature internationale et se sent protégé aux yeux de ses concurrents de l'intérieur par la confiance que lui accorde le général. En 1969, répudié par les urnes et finalement par ses partis qu'il avait voués aux gémonies, de Gaulle démissionne. Son successeur désigné, Georges Pompidou, est élu président de la République. Le gaullisme poursuit son chemin malgré les heurts de mai 68. Et au moment de désigner le chef de son premier gouvernement, Georges Pompidou choisit Jacques Chaban-Delmas. J'ai accepté d'être désigné comme Premier ministre par Monsieur le Président de la République. Je mesure l'honneur, je mesure la charge. Je vais m'adresser à des hommes que les difficultés n'effraient pas et que je crois capables de former une équipe de gouvernement. Georges Pompidou a longuement hésité pour ce poste de Premier ministre entre plusieurs héritiers gaullistes de l'UDR, le parti fondé par le général de Gaulle. Alors, pourquoi Chaban? Eh bien parce que ce dernier, qui s'inscrit sur une ligne de droite sociale, est le plus à même d'incarner la promesse électorale du nouveau président. Autrement dit, poursuivre l'œuvre de son prédécesseur, mais aussi engager les réformes nécessaires après mai 68. Pour Chaban, c'est autant une consécration qu'un accomplissement logique. Il s'y était préparé. Durant ses 10 années à la présidence de l'Assemblée nationale, il a travaillé sur un programme. Au sein de ce qu'on a rapidement baptisé les ateliers de la C, Jacques Chaban-Delmas a posé les bases d'un vaste projet. En compagnie d'experts, de représentants de la société civile, issus de tous les secteurs et ouverts à la gauche social-démocrate, avec Jacques Delors notamment, il fixe les grands axes de ce qu'il nomme « la nouvelle société ». Un nom inspiré du programme de la Nouvelle Frontière du président Kennedy aux États-Unis. Arrivé à Matignon, il place ses hommes de confiance au gouvernement, Olivier Guichard, Roger Frey, Michel Debray. Les barons gaullistes sont aux commandes. Mais pour son équipe rapprochée, il joue la carte de l'ouverture. Tout est en place, Jacques Chaban-Delmas peut lancer son action. Et il le fait lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale le 16 septembre 1969. Nous sommes encore un pays de casse. Des écarts excessifs de revenus, une mobilité sociale insuffisante maintiennent des cloisons anachroniques entre les groupes sociaux. Ce tableau a été volontairement brossé en couleur sombre parce que j'ai la conviction que nous entrons dans une époque nouvelle où de grands changements sont possibles. C'est la transformation de notre pays que nous recherchons. C'est la construction d'une nouvelle société fondée sur la générosité et la liberté. Pour cela, nous avons besoin de votre confiance active, comme nous avons besoin de la confiance et du concours de tous les Français. La nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas n'est pas seulement un discours ou un slogan. Pendant 3 ans, le Premier ministre engage une série de réformes sociales qui modifient durablement la vie des Français. Chaban achève là le dernier chapitre gaulliste, son chapitre social. Après avoir validé le principe de l'impératif industriel pour moderniser l'économie française et lancer de vastes projets comme Airbus ou la fusée Ariane, le gouvernement tente de changer la société. Sont votés tour à tour la mensualisation des salaires ouvriers, le changement du SMIC qui devient SMIC-que, la formation professionnelle, le dialogue renoué entre syndicats et patronats sur la base des contrats de progrès et la concertation, toujours, Chaban social-démocrate jusqu'au bout des ongles. Les Français apprécient le style et l'action de ce Premier ministre, toujours en mouvement, qui monte les marches de Matignon 4 à 4, qui s'affiche sur les cours de tennis et dépasse le clivage gauche-droite. Sa cote de popularité monte en flèche. Mais c'est bien connu, le succès en politique entraîne les jalousies. C'est souvent à ce moment-là que la valse des affaires commence. Ainsi, pendant l'été 71, après 2 années passées à Matignon, un premier scandale éclabousse Chaban-Delmas. Baptisé « Affaire de la garantie foncière », du nom d'une société de promotion immobilière, elle met en scène Robert Frenkel, un affairiste qui utilise une faille judiciaire propre à ce type de société pour faire fructifier son chiffre d'affaires et réinvestir ses gains dans des opérations frauduleuses. Parmi ses complices se trouve un député gaulliste, André Rive-Henry, qui est un ancien proche collaborateur de Jacques Chaban-Delmas. Alors, par ricochet, le président Pompidou est lui aussi touché. Le 23 septembre 1971, au cours de sa conférence de presse, il est interrogé sur le sujet. On parle beaucoup de scandales. Je n'ai pas grand-chose à dire sur cette vilaine affaire de la garantie foncière et sur la vilaine exploitation que certains tentent d'en faire. Comment cela s'appelle ? Mais nous le savons en France, depuis 200 ans, ça a été fort bien dit par Basile, le personnage de Beaumarchais. La calomnie, monsieur, vous ne savez guère ce que vous dédaignez. J'ai vu les plus honnêtes gens près d'en être accablés. Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas d'horreur, pas de conte absurde qu'on ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville en s'y prenant bien. Et nous avons ici des gens d'une adresse. Eh bien, fidèle en cela aussi aux leçons du général de Gaulle, je veux que l'on sache que vis-à-vis de la calomnie et des calomniateurs, je dispose d'une réserve inépuisable de mépris. Cette affaire agace le clan gaulliste, d'autant que le succès du Premier ministre n'est pas du goût de tout le monde. Au sein même de la majorité, l'ouverture qu'il prône fait grincer des dents. La mort du général de Gaulle, le 9 novembre 1970, a aussi fragilisé sa position au sein de l'UDR. Et puis, avec Pompidou, les premières dissensions apparaissent. Les proches conseillers du président, Pierre Juillet et Marie-France Garraud, chargés de sa stratégie politique, craignent que l'ouverture divise la majorité, favorise l'opposition, bien conscients qu'ils sont que Chaban a l'Élysée dans le viseur. De son côté, le canard enchaîné, ce meilleur ennemi de la classe politique française, ce compagnon fidèle de la salle des quatre colonnes, commence son travail de sape. Le 3 novembre 1971, l'hebdomadaire publie un document fiscal du Premier ministre. Il montre qu'en 1970, celui-ci a déclaré 72 400 francs de revenus et qu'il doit régler 16 800 francs d'impôts en 1971. Le Premier ministre respecte parfaitement la loi puisqu'il a bénéficié en fait de ce qu'on appelle un abattement fiscal. Mais ça, l'opinion s'en moque. Ce qu'elle retient, c'est la faiblesse des revenus déclarés et imposés pour l'un des plus hauts fonctionnaires de la France. De toute façon, les Français n'ont pas le temps d'approfondir ce sujet qu'un autre scandale éclate. C'est le ministre des Finances lui-même, M. Giscard d'Estaing, qui a porté plainte contre un fonctionnaire de son ministère, lequel, au lieu de faire rentrer les impôts, indiquait au contraire aux contribuables comment y échapper. Élevé dans le sérail, il en connaissait les détours. Et l'enquête révélera sans doute s'il demandait que l'on rétribue ses services ou bien s'il faisait cela gratuitement pour le plaisir de frauder le fisc. Le 19 novembre 1971, Valéry Giscard d'Estaing annonce la suspension d'un inspecteur des impôts, un certain Édouard Degas. Le ministre des Finances, qui a fixé comme priorité la lutte contre la fraude fiscale, affiche sa détermination. Mais l'enquête montre vite que le fameux ami vers lequel Édouard Degas dirige ses clients n'est autre que Georges Degas, son frère. Or, Georges Degas était le conseiller fiscal de Chaban-Delmas au ministère de la Défense et à l'Assemblée nationale. Une collaboration interrompue suite à certaines malversations, déjà, de Monsieur Georges Degas. Mais le mal est fait. Le nom du ministre côtoie celui des escrocs. Valéry Giscard d'Estaing savait-il que Chaban avait collaboré avec Georges Degas ? En tout cas, il n'a pas prévenu le Premier ministre. Et le canard enchaîné ne se prive pas de titrer « Giscard fait la fête à Chaban ». Pour l'entourage proche du Premier ministre, c'est tout sauf un hasard. Valéry Giscard d'Estaing ne s'en cache pas, lui aussi se veut un destin présidentiel. Symbole de l'ouverture du gouvernement Chaban, le portefeuille des finances revient à une personnalité qui pourtant avait appelé à voter contre le général de Gaulle au référendum fatidique de 1969. Tout cela irrite le clan gaulliste depuis le début, lequel se réjouit évidemment des premiers ennuis de Chaban, du genre à vous barrer la route de l'Élysée, voire du droit à concourir. Et ça continue. Le 19 janvier 1972, Le Canard publie un nouvel article. Le titre s'affiche en lettres rouges criantes. Les impôts de Chaban, suite. Dans l'article, une série de documents prouve que Jacques Chaban-Delmas n'a pas payé d'impôts de 1967 à 1970. L'article est repris par tous les médias et le Premier ministre réagit immédiatement par un communiqué. Notre confrère, Le Canard enchaîné, a fait état des impôts payés par M. Chaban-Delmas en reproduisant le fac-similé de ses déclarations fiscales 1967 et 1968. L'hôtel Matignon a fait une mise au point. Les déclarations fiscales faites par le Premier ministre sont conformes à la loi et à la réglementation. Et l'hôtel Matignon prend acte que Le Canard enchaîné n'a mis en cause ni l'exactitude ni la régularité des déclarations. Encore une fois, Jacques Chaban-Delmas se retrouve en position de fraudeur fiscal et pourtant il n'a rien à se reprocher. C'est d'ailleurs la teneur de son communiqué. Les documents publiés par Le Canard sont exacts. Il a bien bénéficié d'un avoir fiscal qu'il a exempté d'impôts pendant cette période. Mais le Premier ministre se trompe de débat. Les Français ne se demandent pas s'il est en règle ou pas avec la loi, non. Ils s'offusquent au moment de verser le premier tiers de leur imposition que leur propre Premier ministre ait pu ne pas en payer pendant plusieurs années. Chaban-Delmas est acculé. Alors, pour s'en sortir, il y a deux méthodes. Garder le silence comme réponse à la calomnie, ou alors prendre les devants, communiquer franchement et faire cesser les insinuations. Le Premier ministre hésite un peu de l'une, un peu de l'autre, c'est la pire des stratégies. Il n'a bientôt plus le choix, il doit contre-attaquer. Ce sera le début de sa chute. Sur sa bouche, je n'avais Dieu que pour elle, mais elle voulait que je me tire à tire d'elle. Sur ses lèvres, moi j'avais décidé de ne plus jamais m'envoler. Sur ses lèvres, moi j'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Mais que fait donc cette mouche posée là sur ma bouche? Demanda-t-elle au peintre qui lui dit comme ce joli de voir cette mouche dessiné sur ta bouche. Et moi j'aurais tout donné, oui tout donné, pour pouvoir l'embrasser. Sur ses lèvres, moi j'avais déposé le plus doux des plus doux baisers. Sur ses lèvres, d'une gifle elle m'a tué, croyant que je voulais la piquer. J'étais une mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche écrasé sur sa bouche. Il ne faut pas dire aux femmes qu'on les aime, sinon elles deviennent piquées. Sur ses lèvres, moi je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais. Mais les femmes, moi je m'étais pas méfié. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. Une mouche posée sur sa bouche. Je voulais seulement l'embrasser, mais elle a cru que j'allais la piquer. Que c'est dur d'être une mouche, tant d'autres que vous prennent la mouche. De moi il ne reste qu'un point sur un tableau, comme le ciel est loin. Sur ses lèvres, moi je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais. Mais des fois moi je ne m'étais pas méfié. Une mouche c'est vraiment très à tuer. C'est vraiment bête à tuer. Une mouche, c'est vraiment bête à tuer. maintenant, toute la France est sensibilisée par cette question d'avoir fiscal. Et au fond, il s'est produit une sorte d'électrochoc à la suite de la publication de la feuille d'impôt du Premier ministre, feuille d'impôt montrant que pendant 4 ans, il n'a pas payé d'impôt sur le revenu parce que l'avoir fiscal dépassait le montant même de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, il y a quelque chose qui inquiète les Français. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que l'on nous fasse connaître quelle est la fortune des membres du gouvernement aujourd'hui et ce qu'elle était lorsqu'ils sont entrés en fonction. Ce serait très bien parce que ce serait un élément de moralisation de la vie publique dans notre pays. À l'image de Jacques Duclos, que vous venez d'entendre, sénateur et figure de proue du Parti communiste, les réactions s'enchaînent après les publications du Canard enchaîné sur les impôts de Jacques Chaban-Delmas. Très rapidement, elle dépasse le cadre restreint de la question fiscale pour s'élargir à la fortune personnelle du Premier ministre. Cette fois, le gouvernement doit réagir. Valéry Giscard d'Estaing propose au président et au Premier ministre de rédiger un communiqué. La parole du ministre de l'économie et des finances sur la polémique peut permettre une mise au point, disons, objective. Pense-t-on? Ce communiqué, publié le 25 janvier, explique que Jacques Chaban-Delmas a supporté sur ses revenus une imposition de 75 892 francs. Supporter. Le choix du mot est fatal. On paye ou on ne paye pas. Supporter, ça ne veut rien dire. Sinon, noyer le poisson. Le communiqué ne fait que souffler sur les braises. Alors, dans le camp gaulliste, on monte au créneau pour défendre le Premier ministre. René Tomazini, le secrétaire général de l'UDR, dénonce les méthodes de l'opposition. Devant la réussite de la politique internationale du gouvernement, devant la réussite de sa politique économique, devant la réussite de sa politique sociale, eh bien, nos adversaires, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, s'en prennent aux hommes. Et se lancent dans une campagne d'attaque personnelle pour les vilipender et pour les saluer. En vérité, nous pensons que cet assaut ne fait que continuer tout ce que la Ve République a eu enregistré depuis qu'elle existe, notamment ceux de l'OAS, notamment ceux de mai 68, assaut lancé par les maoïstes et les gauchistes, et qui s'apparente aux méthodes que nous avons connues en 1900, sous la Troisième République, avec l'argenterie de Léon Blum, avec l'affaire Salingro, avec tout cela, ou des méthodes qui s'apparentent à celles qui ont précédé l'arrivée du fascisme en Allemagne et en Italie. Nouvelle accro, la comparaison avec le fascisme ou ce qui le précédait juste outrancière. Une à une, les tentatives de communication du gouvernement et des alliés du Premier ministre aggravent son cas. Montée en épingle, la succession des affaires est un engrenage. Les journaux ne lâchent rien, ils relancent les polémiques les unes après les autres. Chaban n'a plus le choix, il doit s'expliquer devant les Français. Il choisit le difficile exercice de l'interview télévisée. Difficile, oui, parce qu'il le sait, ce choix risqué, il n'est pas très bon devant les caméras. Sa voix qui monte rapidement dans les aigus, son phrasé souvent saccadé. Et puis, l'entretien télévisé est périlleux, car il montre un côté solennel aux accusations et finalement, leur donne du crédit. Le 15 février 1972, il accueille Pierre Desgroupes, le directeur de la première chaîne, dans la bibliothèque de Matignon. Dispositif de l'entretien confession, face à face, au coin du feu. L'interview est enregistrée pour être diffusée dans la soirée. Sur le plateau, l'équipe de télé sent le stress du Premier ministre. Juste avant la prise, il sautille comme un boxeur avant un match. Devant la caméra, Jacques Chaban-Delmas se résout à l'exercice qu'il qualifie de striptease intime. Mais surtout, il dénonce les attaques subies. Il s'agit, vous l'avez compris, d'une manœuvre politique destinée à empêcher le Premier ministre de poursuivre sa tâche à la tête du gouvernement et de la majorité. Tel est le fond du problème. Et je crois qu'il nous impose à tous de réfléchir à quelques sujets, à quelques problèmes qui touchent au fonctionnement de notre société et à l'exercice de la démocratie. Dès la fin de l'interview, Chaban le sait, ce n'est pas très réussi. On décide tout de même de diffuser en l'état. Il paraît résigné, Chaban. C'est très dur d'être attaqué pour des fautes qu'on n'a pas commises, confie-t-il à ses proches. Et les conséquences ne tardent pas. Une semaine après son passage à la télé, Le Figaro publie un sondage. Giscard devance Chaban de 14 points en popularité. En quelques mois à peine, la tendance entre les deux présidentiables s'est inversée. De son côté, l'opposition profite de la situation et le Parti socialiste s'empresse de proposer une loi sur la suppression de l'avoir fiscal. Dans le camp gaulliste, on s'alarme. Les prochaines législatives, prévues dans un an, arrivent à grands pas. Alors il faut redresser la barre, impérativement. Surtout dans les coulisses du pouvoir, la rumeur sur la maladie de Georges Pompidou commence à s'ébruiter. Et il est de plus en plus probable qu'il ne pourra pas finir son mandat. La bataille entre les présidentiables s'intensifie. À force d'avoir les yeux sur le thermomètre, vous allez attraper la fièvre, leur répond le président Pompidou. Il ne se résoudra pas à changer de premier ministre tout de suite, ce serait donner de la force aux calomnies. Mais il faut quand même reprendre la main. Alors, dans la plus pure tradition gaulliste, quoi de mieux qu'un référendum pour gagner un peu de hauteur et de confiance? On organise donc une consultation nationale sur l'élargissement de la communauté européenne. Le 23 avril, les résultats sont décevants. Une victoire en trompe-l'œil. 67% des Français votent oui, mais 40% des électeurs se sont abstenus. Ça s'appelle un échec. De son côté, Jacques Chaban-Delmas décide, contre l'avis du président, d'organiser un vote de confiance devant l'Assemblée nationale qu'il remporte finalement, haut la main. Entre les deux hommes, les relations sont de plus en plus difficiles. Les affaires, l'échec du référendum et le vote de confiance enterrent la collaboration entre le président, poussé par ses conseillers de l'ombre, Garot Juillet, sorte de Rasputin républicain, et son premier ministre, Jacques Chaban-Delmas. Le 5 juillet, celui-ci remet au président la démission de son gouvernement. C'est Pierre Messmer qui est désigné pour lui succéder. Je souhaite au nouveau premier ministre et au nouveau gouvernement tout le succès nécessaire pour tous les Français. Merci. Et quant à moi, je rentre chez moi, à Bordeaux, où m'attend beaucoup de travail pour ma ville et pour tout le Sud-Ouest. Avec le sentiment du devoir accompli et de la confiance dans le nouveau premier ministre. Au revoir et bonne chance à tous et à toutes. Enlève le micro, toi. Au revoir, mes enfants. Allez-y, foncez, allez, poussez. Au revoir. Allez, au revoir, Pierre. Au revoir, Jacques. Et bon travail. Jacques Chaban-Delmas, duc d'Aquitaine version moderne, retrouve sa région et la ville de Bordeaux. Les législatives de mars 73 sont finalement remportées par l'UDR. On lui propose un poste au sein du gouvernement de Pierre Messmer, qu'il s'empresse de refuser, tout comme il décline la présidence de l'Assemblée nationale. Car ce n'est un secret pour personne, Jacques Chaban-Delmas se prépare à une autre échéance, celle de la présidentielle. Il espère que le temps fera son œuvre, que les affaires s'épuiseront loin des responsabilités nationales et qu'il pourra faire valoir son bilan politique. En réserve de la République, comme on dit. Mais un événement précipite l'organisation de la présidentielle. Le 2 avril 1974, à 22h, les radios et les télés interrompent leur programme. Le président de la République est mort. Le lendemain, Chaban reçoit ses proches collaborateurs chez lui. Ceux-ci l'encouragent à annoncer sa candidature. Ils savent que Pierre Juillet et Marie-France Garot poussent Pierre Messmer, le Premier ministre. Il faut donc faire très vite. Dès le 4 avril, alors qu'on enterre le président défunt sur ses terres, Jacques Chaban-Delmas se déclare candidat par voie de presse. Quelques jours plus tard, il confirme devant les caméras de télé. Je viens de dire à mes amis de l'UDR que je compte sur leur appui dans la campagne électorale qui s'ouvre. Je viens également de prendre congé d'eux, car il ne s'agit pas d'investiture. C'est le peuple tout entier qui tranche, comme le veulent justement les institutions de la Ve République. La disparition de Georges Pompidou nous a plongés dans la stupeur et le désarroi. Déjà il y a 4 ans, le départ du général de Gaulle avait fait vaciller la France. Et cette nouvelle épreuve survient dans une période difficile. La présence d'un candidat unique de la gauche pose le problème de la liberté. Je passe un contrat de progrès avec chaque Français. C'est un problème de vérité. Enfin, il faut que la France, dans son indépendance, poursuive sa mission humaine en Europe et dans le monde. La précipitation de cette candidature choque beaucoup de militants gaullistes. Il aurait fallu attendre, prendre de la distance, faute politique, mauvais tempo. En face, Valéry Giscard d'Estaing attend le 8 avril pour se lancer dans la bataille. Le même jour, François Mitterrand est intronisé candidat du Parti Socialiste. Dans le camp gaulliste, les divisions au sein du parti apparaissent. D'ailleurs, plusieurs personnalités issues de la majorité se portent candidates. Face à cette situation, on craint la victoire de la gauche. La rupture ne se fait pas attendre. Le 13 avril, fomenté par Jacques Chirac et à travers lui par Pierre Juilly et Marie-France Garraud, un coup terrible est porté au candidat Chaban. Les Pompidoliens derrière Jacques Chirac ont pour leur part mené une offensive sérieuse dirigée en fait contre Jacques Chaban-Delmas. Oui, 4 ministres et 39 députés, la plupart UDR, ont signé un manifeste pour relancer l'idée d'une candidature unique, mais sans illusion évidemment. Leur objectif est en fait de prendre date pour jouer les médiateurs entre les deux tours. Ils ont fait ainsi un grand pas vers Valéry Giscard d'Estaing. C'est le fameux appel des 43. Et voilà Chaban en mode loser. Jamais il ne se relèvera de cette trahison. Tout au long de la campagne, l'ancien Premier ministre ne parvient pas à insuffler l'élan nécessaire, surtout devant Giscard, qui incarne la voie médiane entre l'aventure socialiste et la volonté de sortir du gaullisme. Positionnement pertinent qui relève Chaban sur les étagères du gaullisme dépassé. Le réformateur apparaît comme un conservateur. Ses adversaires n'hésitent pas à relancer les affaires de la feuille d'impôt, à s'attaquer à sa vie privée jour après jour. Il dégringole dans les sondages. Alors, personne n'est surpris quand, le 5 mai 1974, les résultats tombent. Jacques Chaban-Delmas ne recueille que 15% des voix contre 43 à François Mitterrand et 32 à Valéry Giscard d'Estaing. Le deuxième tour se jouera sans lui. Lorsqu'il prend la parole dans l'entre-deux-tours, il appelle à voter contre François Mitterrand, mais pas pour Valéry Giscard d'Estaing. À ses proches d'ailleurs, il confie « Si Giscard bat François, quel dommage pour la France ». Le 9 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. Il nomme dans la foulée Jacques Chirac au poste de Premier ministre. Ça s'appelle en politique un renvoi d'ascenseur. Avec la défaite de Jacques Chaban-Delmas, c'est une époque qui s'achève. Celle du gaullisme originel, de cette génération issue de la libération et de la résistance, qui est entrée en politique par nécessité, par obligation morale et historique. Celle de la reconstruction d'un pays en crise institutionnelle et morale, après l'affaire algérienne notamment. Plusieurs fois, les Français sont passés à côté de figures politiques qui auraient pu présider à leur destinée. Jacques Chaban-Delmas s'inscrit sans conteste dans cette lignée. Quelques années après son échec, il reviendra au micro de Jacques Chancel sur ce souvenir amer. Dans ce souvenir, il y aura beaucoup d'abandon, beaucoup de lâcheté, beaucoup d'amitié perdue. Ah, il y aura bien des regrets. Dommage. Just give it a stare. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la feuille d'impôt de Jacques Chaban-Delmas avec notre invité Laurent Geoffrin. Bonjour. Bonjour. Alors, on vient de parler de Jacques Chaban-Delmas, de sa feuille d'impôt. Vous avez compris que c'était aussi une façon de parler de l'homme, Jacques Chaban-Delmas, de l'homme politique, qui pourrait être estampillé d'ailleurs, original. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'original dans son positionnement et dans son cheminement. Alors, déjà, numéro d'équilibriste, tout de même. C'est un homme de la 4e République, hein, plusieurs fois ministre, mais il soutient le général de Gaulle. Comment il y parvient? Parce que c'est vraiment un numéro d'équilibriste. On est entre deux contraires, deux approches différentes de la vie politique française. Non, c'est vrai, mais d'abord, c'est un résistant. Il était très jeune à l'époque. Il était fonctionnaire aux finances, il travaillait dans les groupes de résistance pour préparer les finances de la libération. Et au moment de la libération de Paris, il a joué un rôle. Si vous vous souvenez de ce film qui s'appelle Paris brûle-t-il. Avec Alain Delon qui joue Chaban. C'est Alain Delon qui joue Chaban. Donc ça prouve que c'était un homme, il était dans le casting. Quoi. Il a joué un rôle important et quand De Gaulle le voit... donc le 25 août à Montparnasse, là, il lui dit c'est bien Chaban. Donc il s'aperçoit que ce jeune homme sympathique, sportif, etc., en fait a joué un rôle très important dans l'organisation de la libération et dans le fait que les gaullistes prennent le dessus sur l'ensemble de la résistance à ce moment-là. Ça veut dire que ça transcende C'est un compagnon de la libération. Et ça transcende les clivages politiques habituels, c'est ça? Qui lui permet d'être à la fois avoir un pied. C'est-à-dire que c'est l'enfant chéri du gaullisme, d'une certaine manière. C'est un jeune homme, très très jeune, mais que le général considère comme un de ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Et c'est le donc symbole. Donc il a l'onction et de la résistance, il est compagnon de la libération, gaulliste de la première heure, etc. Donc il est baron pendant toute la quatrième, il est baron, comme on disait, baron du gaullisme. Oui. Et le général avait dit, de toute façon, mes partisans ne sont pas obligés de rester sur leur aventin, ils peuvent participer au gouvernement dans certaines conditions. Et Chaban avait été plusieurs fois ministre. Et le fait qu'il soit jeune, qu'il ait ce style-là, c'est un symbole du renouveau gaulliste, le gaullisme apparaît comme vraiment le parti du renouveau, c'est ça? Il avait cette singularité, Chaban, c'est que il donnait le sentiment d'un homme heureux. Oui, et c'est rare vrai. En politique. Oui, c'est vrai. Il incarnait le bonheur en politique. C'est-à-dire, bon, il avait 25 ans, et, c'est un héros, il est général, général de la résistance. Ouais. Il n'a pas commandé une armée, mais enfin bon, il est général. Et puis, il se fait élire maire de Bordeaux parce qu'il séduit la bourgeoisie bordelaise. Et puis il a cette légitimité de la résistance. Ensuite, il traverse toute la quatrième, il est parlementaire, ministre, etc. Et puis en 58, le général voulait faire élire comme président de l'Assemblée Paul Reynaud, oui. Qui était son mentor avant la guerre et qui était un premier ministre malheureux puisqu'il avait gouverné la France en 40. Mais Paul Reynaud voulait se battre. Il n'était pas pétainiste du tout. Au contraire, il était plutôt du côté du général, enfin selon la même idée. Donc le général avait dit, bon, Paul Reynaud serait bien comme président de l'Assemblée. Et Chaban se présente, contre Paul Reynaud. Et les gaullistes choisissent Chaban, parce qu'il est jeune, sympathique, compagnon de la Libération, etc. Et donc il est, pendant de longues années, président de l'Assemblée, une des éminences importantes du régime, mais il n'est pas non plus, il n'a pas la charge du gouvernement. Et donc il vit très agréablement. Comme président de l'Assemblée, on n'a pas grand-chose à faire. Surtout qu'à l'époque, le gaullisme dominait l'Assemblée de la tête et des épaules. Et on dit en plus qu'à l'hôtel de la CIA, il y a la plus belle cave de la République. On ne dit pas, il y a la plus belle cave de la République, c'est vrai. C'est le duc de Morny qui a créé l'hôtel de la CIA. Donc il avait bien garni la cave. Et ensuite, tous les successeurs ont conservé cette tradition jusqu'à aujourd'hui. Et donc Chaban vivait très bien. Alors, certaines personnes ont dit, c'est probablement de la calomnie, que Jacques Chaban-Delmas pouvait être assez léger sur certains dossiers. Qu'il y avait un côté un peu comme, un petit côté m'as-tu vu et... C'est ce qu'on disait, il est léger, oui. Je suis pas sûr, parce que c'est un homme tout à fait intelligent et compétent, mais alors, comme il respirait la joie de vivre, on avait du mal à le prendre au sérieux. Et puis, il avait c'était le début des imitateurs. Enfin, il y avait des imitateurs avant, il y avait un imitateur célèbre du général de Gaulle qui s'appelait Tizot, mais Thierry Luron. Henri Tizot, c'est vrai. Thierry Luron, dont vous vous souvenez, ouais. Il est devenu célèbre en imitant Chaban-Delmas. Parce qu'il a cette voix inintelligente, comme ça, et il détache les bouts de phrases, un peu comme Valls. Donc il vous dit, je vais réfléchir. Puis alors, il y a une plage de silence interminable. À la situation. Alors, tout le monde se marrait, évidemment, c'était ridicule. Et le Luron avait réussi à chiper le tic de langage et il en faisait des numéros désopilants. Donc, les gens se moquaient de Chaban à cause de ça. Bon, alors il y a quand même la feuille d'impôt. Alors, il y a quand même la feuille d'impôt. Et la campagne d'affaires autour qui concerne Chaban, c'est un exemple typique de calomnie efficace. Une série d'affaires montées en épingle. On va écouter une archive ensemble où Chaban reparle de cette affaire et de son impact. Et c'est 10 ans après les faits. Les affaires peuvent-elles faire perdre une élection à quelqu'un ou à un parti? Vous savez, non, ça cause du tort. Moi, je sais que j'ai été alourdi, notamment en 1974, par une affaire entièrement fictive qui faisait dire que je ne payais pas mes impôts. C'était entièrement inventé. Bon, eh bien, ça m'a coûté certainement, en effet, des voix. Et je me demande même si aujourd'hui, parmi ceux qui nous écoutent, il n'y a pas encore des gens qui le croient. Parce que la calomnie, ça a la vie dure. Ben, ça dure, c'est ça. Calomnier. Il en reste toujours quelque chose. Laurent Geoffrin, est-ce que Chaban a perdu par manque de positionnement politique pertinent vis-à-vis de Giscard, vis-à-vis de ceux qui l'ont trahi, ou est-ce qu'il a perdu à cause de cette histoire de feuille d'impôt, ou, comme souvent la réponse est, les deux, mon capitaine? Je crois que le facteur décisif, c'est cette partie du gaullisme qui était plus à droite que lui, qui voulait lui faire la peau. Plus que la feuille d'impôt. Alors, la feuille d'impôt est venue. Alors, il faudrait savoir, d'ailleurs, d'où venait comment le canard enchaîné a eu la feuille d'impôt. Parce que c'est une question, là. Parce que c'est Giscard qui a été ministre des Finances. On l'a dit, on l'évoque quand même. C'est sorti. Parce qu'on ne peut pas le dire, mais on l'évoque. C'est sorti du ministère des Finances. Oui, tout à fait. Peut-être que c'est les contacts du canard, je ne sais pas. On n'a jamais su, d'ailleurs. Mais il n'a pas fraudé. Ah non? Il a appliqué. On suppose qu'il avait un conseiller fiscal qui a dû lui dire, bon, vous avez des actions, vous savez, c'est le système d'avoir fiscal. C'est-à-dire que, comme quand une entreprise paye des impôts sur ses bénéfices, l'actionnaire a le droit de prendre, à l'époque, avait le droit de prendre la moitié de cette somme versée par l'entreprise dont il est copropriétaire pour la déduire de sa feuille d'impôt. On avait le droit de faire ça. C'était légal, quoi. C'était parfaitement légal. Et la logique étant de ne pas imposer deux fois les revenus du capital par rapport à celui du travail. C'était ça, la logique. Alors, ça pouvait être contesté, par ailleurs. On pouvait considérer que les actionnaires devaient payer deux fois. Mais, bon, c'était comme ça. C'était la loi. Et Chaban avait respecté la loi. Il dit, bon, j'ai des actions, je déclare. À l'époque, les émoluments des responsables administratifs ou politiques étaient moins imposés qu'aujourd'hui. Donc, il avait assez peu d'impôts à déclarer. Et comme il avait des actions, le total de son avoir, un avoir, c'est que vous êtes trop payé, quoi. On vous doit de l'argent. Donc, vous pouvez déduire de ce que vous payez par ailleurs ce qu'on vous doit sur un... C'est ça, l'avoir fiscal. C'est pas l'abattement, vous avez dit l'abattement. C'est pas un abattement, c'est un avoir. Comme un avoir chez un commerçant. Vous êtes trop payé, vous avez le droit d'avoir un autre produit à la place. Vous voyez. Alors, est-ce qu'il a manqué de pédagogie s'il avait dit les choses comme ça? Parce qu'il a, à cette époque, quand même, les hommes politiques, regardez Giscard avec les diamants. C'était un des premiers réflexes. Non, mais le réflexe, c'était, je ne réponds pas à la calomnie, je suis au-dessus de ça. Bon, on s'aperçoit que c'est pas efficace. Est-ce qu'il aurait dû être pédagogique? Pédagogique, comme vous venez de le faire, là, par exemple. S'il avait dit, voilà, c'est pas illégal, voilà comment ça fonctionne, est-ce que ça aurait pu arranger son cas? Il se retrouvait dans une autre argumentation, parce qu'il était obligé de justifier l'existence de cet avoir fiscal qui, pour une partie des Français qui n'avaient pas beaucoup d'argent, était considéré comme une sorte de privilège donné aux actionnaires. Donc il se retrouvait, soit il disait ce qu'il ne pouvait pas dire, oui, effectivement, c'est une erreur, j'aurais dû payer plus. Ça, il ne pouvait pas le dire, parce que ce n'était pas vrai, en plus. Il a payé ce qu'il devait payer. Mais s'il commençait à dire, vous savez, l'avoir fiscal, voici pourquoi, comment, machin, il se mettait du côté des riches, quoi. Donc ce n'était pas bon non plus, alors que c'était un gaulliste social. Et donc c'était cette espèce de, ce réquisitoire qu'on a dressé contre lui, c'était très difficile de réagir. C'est comme Giscard avec ses diamants. Bon, ben, soit des cadeaux, tout le monde chez l'État font des cadeaux, et après il est embarrassé, il ne sait pas comment s'expliquer, etc. Parce que c'est des diamants, donc ça parle aux gens. En tout cas, c'était efficace, la cabale, parce que il commence à perdre la main. En 74, effectivement, il se déclare probablement trop tôt. Il y a une faute politique, il y a une faute de goût, mais c'est à cause du complot. Il y avait un complot contre lui, des vieux gaullistes droitiers, si je puis dire, qui voulaient présenter Mesmer. Mesmer était Premier ministre. Qui est un type très bien, par ailleurs, héros de la guerre, etc., formidable. Hein. Enfin, bon, c'était un type beaucoup plus conservateur que ne pouvait l'être Chaban. Donc, la fraction droitière du gaullisme se dit, on va présenter Mesmer. Alors, soit Mesmer y va, soit Mesmer ne peut pas, et ça sera Giscard. Donc, l'opération commence tout de suite. Elle était, d'ailleurs, à mon avis, ourdie de longue main, puisque tout le cercle politique connaissait la maladie de Pompidou. Il savait que Pompidou était malade et que, pas quand il allait trépasser, mais enfin, il devait trépasser. Et puis, ils avaient un jeune cheval, un poulain. Et un, ils avaient ce Giscard qui était une espèce de cheval. Et puis, ils avaient Chirac aussi comme poulain, quand même, à mettre au devant de la scène. Oui, ça a marché. Enfin, Chirac, ça a marché. Chirac était le poulain de Marie-France Garraud et oui, de Pierre Juillet. De Pierre Juillet, oui. Donc, la droite réactionnaire, en fait, dans le gaullisme. Et donc, ils avaient trouvé ce Chirac que Pompidou aimait beaucoup parce qu'il le trouvait. Énergique, il était présentable, infatigable, énergique, tout ce qu'on veut. Quoi. Donc Pompidou l'aimait beaucoup, c'était son fils spirituel, et le couple Juillet-Garraud en avait fait son poulain. Alors à l'époque, c'était pas pour être président, parce qu'il était trop jeune, mais il s'était dit, on va passer à un accord avec la fraction non-gaulliste de la majorité, donc qui était Giscard, qui était l'homme du 8 mai, ouais. Qui lui, avec beaucoup d'intelligence et de perspicacité stratégique, s'était positionné comme un homme de l'intérieur, mais avec une distance critique. Oui, mais. Absolument. Et qui dominait beaucoup de gens par ses capacités intellectuelles qui étaient hors du commun, c'est vrai. Et donc, il apparaissait comme le... En plus, sa compétence économique était supposée très grande. À l'époque, les hommes politiques étaient réputés incompétents en économie, comme Mitterrand, comme même le général. On dit, oui, le général, bon, il délègue à sa ministre des Finances, etc. Mais, et Giscard, donc, faisait... argument de sa grande capacité technique et de sa compétence comme ministre des Finances. Sensible, Fabrice Drouel. Alors, Et une anecdote qui confirme tout ce qu'on disait sur le problème que pouvait poser Chaban par rapport aux gaullistes très conservateurs. À propos de des groupes, lorsqu'il s'est agi de nommer le président de l'ORTF, on a dit à Jacques Chaban-Delmas, on pense à monsieur des groupes, mais il est un peu à gauche. Et Chaban aurait répondu, il est compétent, on aurait dit oui, eh bien prenez-le. Mmh. Donc ça devait effectivement beaucoup gêner les conservateurs. Non, mais Chaban voulait moderniser le pays, mais sincèrement. Ouais. Et c'était un raisonnement que le général tenait lui-même. En son temps. C'est-à-dire, on maintient les bases de la société, on a en face de nous une gauche conquérante qui aspire à prendre le pouvoir, il faut lui couper l'herbe sous le pied. Et donc on fait des réformes que la gauche aurait peut-être faites, mais on les fait très vite. Et donc Chaban fait la nouvelle société avec deux conseillers, qui sont Jacques Delors d'un côté et Simon Nora de l'autre. Qui sont des sociodémocrates pur jus. Qui sont des sociodémocrates et qui sont des mendésistes. Mendésistes, absolument. Qui sont des anciens conseillers de Mendès. La lignée Mendès. Qu'on retrouvera avec Delors, Strauss-Kahn et finalement Hollande. Oui, et Rocard. Président Hollande. Et Rocard, bien sûr. Et Hollande, oui. Bon, on va écouter une dernière archive qui concerne la mairie de Bordeaux, parce qu'on n'a pas parlé de la mairie de Bordeaux. On a parlé de Jacques Chaban-Delmas et son action sur le plan national. Alors, c'est en 2000, l'archive qu'on va écouter. Après le décès de Jacques Chaban-Delmas, c'est Alain Juppé, évidemment, son successeur à la tête de Bordeaux, qui revient sur le parcours et les qualités de son prédécesseur. Et on lui demande d'abord ce qu'il retient de Chaban. La fidélité, d'abord. Sans doute aussi l'esprit de tolérance. Je crois que c'est un homme qui respectait profondément ses adversaires, lesquels d'ailleurs le lui rendaient bien, et qui avait cette générosité dans tout ce qu'il entreprenait, ici à Bordeaux, mais aussi sur le plan national. Et de ce point de vue, je crois qu'il était un peu atypique dans une classe politique dont les comportements sont parfois plus durs et plus sectaires. Alain Juppé, nous avons entendu dans un reportage précédent les réactions attristées des Bordelais. Près de 50 ans passés à la mairie, c'est quasiment un record. À quoi Jacques Chaban-Delmas devait-il cette longévité politique? Quand il a pris cette ville, dans tous les sens du terme, elle était dans un piteux état, aussi bien sur le plan moral que sur le plan matériel. Il l'a complètement transformé, il lui a redonné confiance, il a engagé de grands projets, beaucoup d'autres choses encore. Et puis surtout, il avait ce souci de créer le lien social, comme on dirait dans nos mots d'aujourd'hui. Et Chaban, aujourd'hui, sa statue de bronze, place Péberlan, à Bordeaux. Je trouve que Alain Juppé a trouvé un mot juste, atypique. C'est vrai qu'il est atypique, mais à cause de ce que dit Juppé, d'ailleurs, c'est-à-dire cette aptitude à être heureux, quoi, finalement. Mm. Au milieu des responsabilités du combat politique qui est souvent frustrant, amer, cynique, etc. Chaban, on avait l'impression qu'il aimait chaque seconde qui passait et que tout ça était formidable. Et moi, je l'avais vu très, très, très, très tard, quoi. Il avait 80 ans, il était âgé, donc il était toujours pareil. C'est-à-dire qu'il montait les marches 4 à 4. Plaisantait toujours, ou alors il parlait de sport, parce qu'il adorait, il faisait du sport jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, il a fait du sport, beaucoup de sport, et il en parlait beaucoup, avec beaucoup d'éloquence. Et il était très très agréable, quoi. Voilà, un homme très agréable. Est-ce que vous lui reconnaîtriez aujourd'hui un ou des héritiers, à la fois sur le côté ouverture politique, pas sectaire, qui donne l'impression d'être heureux, Mais j'en vois pas beaucoup qui donnent l'impression d'être heureux. Alors ça peut-être, oui, on peut évacuer, effectivement, mais pour le reste... Ils portent tous leur croix, là, c'est terrible. Oui, oui. Bon, les temps sont difficiles aussi, mais... Oui, les temps de l'époque n'étaient pas très faciles non plus. Mais enfin, du point de vue du positionnement politique, vous lui voyez, aujourd'hui, quel est l'homme politique qui se rapprocherait de Chaban dans cet esprit d'ouverture, comme ça. C'est difficile à dire, là. Oui, c'est un peu une colle, mais bon... Non, franchement, je vois pas, parce que c'est plus la même époque. Chaban, c'est un héros de la guerre, quand même. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre personnel politique n'est plus issu de cette période de l'histoire, c'est clair. Ce courage, cette gloire n'existe plus, quoi. Donc ce sont des gens beaucoup plus, triviaux. Ça sera le mot de la fin. Laurent Geoffrin, merci. À bientôt, au revoir. C'était Affaires Sensibles. Oh, pardon. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Jacques Chaban-Delmas, le troisième volet de notre série sur les perdants magnifiques. Ce sera mercredi 17 février avec le portrait de Raymond Barre. Une émission Affaires Sensibles que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr. À la technique, il y avait aujourd'hui Julien Dumont.